Le mot pour dire juste ou exact est 对, doigt noir pointé vers le sol. 对, pour dire juste, exact. Comme il est très doué, ses réponses sont toujours justes. Donc, en réponse à « Tu dis que chaque famille a une télévision », vous pouvez répondre « C'est exact ». Doué. Mais ce mot « exact » peut aussi signifier « c'est exact, être exact » Oui, oui, c'est un adjectif à moteur, hein, avec le verbe « être intégré ». Il signifie « être exact ». Et c'est aussi une manière de dire « oui ». Alors, nous connaissons trois façons de dire « oui » maintenant. Une consiste à répéter le verbe à la forme affirmative. Une autre manière est de dire « shì ». Et la troisième manière est avec « tuè ». Donc « oui » avec « exact » se dit « tuè ». Alors, en vous rappelant qu'il est inutile de traduire « que », dites « je dis que chaque famille a une télévision ». Alors, traduisez d'abord « je dis ». Wow, shuo, chaque famille, meijia, avoir télévision, you, dianshi. Comment dites-vous famille ou maison? Jia. Il faut dire jia. Jia. C'est exact. Je dis que chaque famille a une télévision. 对,我说每家有电视. Comment dites-vous « salut » ou « bonjour » ? 你好. Et comment répondez-vous ? 你好. Et alors vous demandez « comment vas-tu » ou « comment allez-vous » ? 你好吗? 你好, 你好吗? Et vous pourriez répondre plutôt bien ou pas mal, qui se dit en chinois 不错. Nous avons donc deux caractères et deux syllabes. Nous connaissons déjà la première. C'est la négation 不, mais comme il y a un trampoline ici, on va dire « bu »,« bu », »,« doigt bleu levé »,« cuo », »,« cuo », »,« doigt noir pointé vers le sol », »,« cuo », pour dire « mal » ou « mauvais », »,« cuo ». Alors dites-vous que mon ami voyage beaucoup, et en revenant de son dernier séjour en Afrique, elle m'a dit d'un ton admiratif « le Botswana, c'est pas mal ».« Bu cuo ». Alors, comment dites-vous « pas mal » ? « 不错 ».« 错 ».« 错 ».« 错 ».« 不错 ». Comment dites-vous « mauvais » ou « mal » ? Ou plutôt, comment dites-vous « pas mal »? « 不错 ».« 不错 ». Et toi ? 你呢? Et toi ? 你呢? Pas mal non plus. Et non plus se construit avec aussi ou également. Donc pour dire je ne vais pas mal non plus, on dira en réalité je suis pas mal aussi. Je également pas mal. 我也不错. Je ne vais pas mal non plus. 我也不错. Et maintenant, faisons un petit exercice de rime en chinois. Vous vous souvenez certainement comment on dit le mot toilette. Alors, mettez-le dans la même phrase que pas mal et traduisez-moi, s'il vous plaît. Il dit que ses toilettes sont pas mal. Littéralement, il dit ses toilettes pas mal. Ta shu ta de. 厕所不错. Il faut dire 错. 错. Il dit que ses toilettes sont pas mal. 他说他的厕所不错.